au taf jusqu'à la plaque. Ego, je suis cramé quand elle voit ma face. Ils sont jaloux vu que je suis en place. Ils sont charbonnés, ils voudraient ma place. Hey, hey, t'aimes quoi? Tu veux du ice? Comme un congélo, j'ai ramené la classe. Et mes diamants ne tiennent plus en place. Si t'es ébloui, c'est que je suis dans la place. Ivresse, je me fais un flash. J'utilise un mélange avec Sana et Lynn. J'ai du BSB, j'ai du Céline. Donc, elle me dit qu'elle est célibe. Ce clix, un aspi, tape tout. J'arrive pas à choisir avec ou sans tatou. Une Renault, un chinois au Babtou. J'suis pas compliqué, Igo ça tape tout. La Hesse, c'est plus qu'un souvenir. Billet dans Bex et direction l'avenir. Dans le trou, tu voulais pas me soutenir. Donc on va fêter, mais tu vas pas venir. C'est ma journée, ma journée. C'est mon birthday, birthday. C'est mon jour, jour. C'est mon birthday. C'est ma journée, ma journée. C'est mon birthday, birthday. C'est mon jour. J'fête ça toute la night. Faut Joe Bénix sa mère, tu te couches pas. Règle numéro 1, on touche pas. La famille, sinon c'est une capuche des gars. Et j'aime quand tu me regardes, bébé. J'aime quand tu soignes mes bobos. J'étais pas là pour ma CB. J'aime quand tu me dis que j'suis trop bobo. Ce soir j'ai la tête pleine, resserre-moi à bord. J'ai capté un délire à moi, ils vont pas m'avoir. C'est ma journée, ma journée. C'est mon birthday, birthday. C'est mon jour, jour. C'est mon birthday. C'est ma journée, ma journée. C'est mon birthday, birthday. C'est mon jour. J'fête ça toute la night.